Allez, on va juste donner un petit clin d'œil à Bernard Poing, qui était de Bédaride. Le son n'a pas marché, mais c'est son premier rallye. Je suis très fier pour Bernard Poing, le petit Bédaridé qui roulait sur une Saxo. Et j'espère que tout se passera bien, mon cher Bernard. Pour la suite, on t'invitera. On va passer à Alain Cuers, parce que ce président, il a été fabuleux avec moi. Et après, on va parler avec Florian de tout ça et surtout de ce qui nous attend avec Florian. C'est bien plus intéressant encore, peut-être. Alain Cuers, de ce 34e rallye de Vézeau, c'est unanime. Hein. Tous les pilotes qui viennent de franchir la ligne d'arrivée de ce 34e rallye de Vézeau sont unanimes. Encore un rallye réussi en toute beauté. Merci. Mais réussi, oui, mais malheureusement, c'est le temps qui n'a pas été avec nous, parce que la journée de samedi, surtout samedi matin, ça a été difficile pour faire déjà les techniques sur notre place, François Sauvert. On a été obligé, heureusement, que nous avons des amis, le garage de Lucas, Citroën, Vaison, ont prêté gracieusement leur lavage auto, c'est-à-dire tout ce qui est lavogette. On a tout mis nos contrôleurs techniques à pied d'œuvre d'aller là-bas. Et ils étaient un peu à l'abri parce qu'il tombait des cordes samedi matin, un vent terrible. Ensuite, il a fallu refaire toutes les spéciales où on avait fait la veille, le vendredi, on avait fait tout ce qui est signalisation publique, etc. On a été obligé de tout refaire complètement parce que les panneaux, on ne sait plus où ils sont partis dans la nature. Donc on a été obligé de refaire des équipes supplémentaires, c'est-à-dire que quand ils étaient 4, on mettait 8, on mettait 2 équipes supplémentaires, voilà. Alors bon, malgré tout ça, c'est quand même, c'est ma première organisation pour le rallye de Vézon, c'est le 34e, mais par contre, je vais vous dire, ça a été arrosé, voilà, donc je n'ai pas besoin de champagne. Vous savez quand même que ce rallye de Vézon a quand même une particularité, un gouignage, il y a toujours quelque chose qui se passe, c'est les événements météorologiques, et bien je crois qu'ils vous ont baptisé. Vous êtes arrivé, il fallait bien qu'il se passe quelque chose aujourd'hui. Ah oui, ça aurait été trop facile s'il n'y avait pas eu quelque chose, parce que c'est vrai qu'une organisation comme ça, c'est quand même surprenant, ça me plaît, j'adore organiser, puisque bon, je suis aussi également le président du Kart Cross à Rouex, donc je suis à son 28e cette année, donc j'en suis le fondateur également, puisque je suis le fondateur également du TSE, du Trophée Sud-Est, voilà, donc on n'est pas dans la même cour, mais c'est aussi une sacrée organisation. Donc là, je finis le rallye de Vézon et je recommence le 29 et 30 avril le Kart Cross à Rouex. Voilà. Vous êtes quand même très satisfait de voir quand même. On remercie Alain Cuers. On va revenir avec Florian. Flo, juste deux mots pour en terminer avec ce rallye de Vézon. Là aussi, c'est un petit peu comme le rallye de Sarien. Quand il y a des jeunes qui s'investissent, eh bien, on a le résultat qu'on a avec des pilotes qui ont été très heureux de parcourir. Comme j'ai eu la chance de connaître du côté de Sarien avec ton père. Oui, oui, bah, tous les pilotes reviennent chaque année. Il y a des très belles spéciales et voilà, l'organisation qui est bonne. Et voilà, donc tout le monde est là. En plus, début de saison, il y a ceux comme Quentin Ribaud qui viennent préparer leur championnat et d'autres qui viennent commencer à marquer des points pour la finale. Donc ça fait un très beau plateau. Alors Florian, on va parler un petit peu de ta carrière, hein. on va s'y mettre en plein dedans parce que on a toujours grand espoir et on est à fond derrière toi parce qu'on sait que derrière ce personnage souriant, très talentueux pour parler, pour discuter, il y a aussi un grand sportif et on imagine un pilote de rallye qui est là, qui a déjà prouvé qu'il était fort. Mais on espère avoir un jour, pourquoi pas, un titre avec toi pour le Vaucluse. Ouais. Cette année, tu es reparti encore pour un nouveau challenge. Championnat de France, toujours, c'est quand même... C'est autre chose que le rallye régional. Oui, je suis très content. Je suis très content de après l'année 2016 où on ne s'est pas inscrit sur un championnat, on a fait seulement deux rallyes, dont un en championnat de France. Mais là, on repart sur le trophée Clio R3T. Donc c'est une compétition qui est organisée par Renault pendant les manches championnat de France Goudron, donc sur 6 manches. Donc 4 que j'ai déjà parcouru dans les années précédentes. Donc je suis vraiment très heureux avec le team Chazel. Je repars avec mon copilote Xavier Castex qui est avignonné. Donc voilà, ça va être un équipage 100% vauclusien. Donc je suis vraiment, vraiment très heureux. Moi aussi, je suis très heureux parce que juste, et c'est pas pour, on va dire, certains vont se dire à la radio, il en fait peut-être un peu trop après Florian. Non, pas du tout. Vous pouvez toujours aller voir le rallye du Var, le dernier rallye du Var, où c'est qu'il était sur une R5. Il y a beaucoup de vidéos chez nos amis de sport ou de rallye go sur ce rallye. Et maintes fois, moi j'ai regardé un petit peu les passages et les épingles, les ornières, les passages difficiles, techniques. Et il n'y a pas beaucoup de pilotes qui les ont passés comme moi, j'aime les voir passer. Tu en fais partie. C'est là où je me dis, Flo, c'est vrai que pas trop de chance en ce moment, parce que si on prend un petit peu ta carrière, tu arrivais toujours des petits pépins, quoi. Hein, voilà, il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'on passait à côté du titre. Donc cette année, on va essayer de bien préparer. On sait que c'est 6 courses, donc il va falloir rester. Restez calme, la première course qui sera au rallye du Touquet dans 15 jours. On a une grosse pointure déjà qui est annoncée, c'est Cédric Robert qui sera avec nous. Donc un pilote qui m'a fait rêver avec sa carrière, avec ses passages, avec son pilotage, et que j'ai rencontré quand j'étais au sein du team Bonneton, et qui est super sympathique, et on va se retrouver l'un contre l'autre. C'est vraiment, je suis vraiment très heureux parce que sportivement ça va être super intéressant. Alors ça sera dur, mais bon, si on arrive à être compétitif contre lui, ben, ça voudra dire quelque chose, et voilà, donc c'est très très bien. Oui, on va prendre juste l'exemple, moi, parce qu'il y a un exemple flagrant en terre qui m'avait surpris, c'était, ça va me revenir, je l'avais au bout des lèvres, voilà, du coup, pouf, c'est le direct, c'est ce qui se passe, Thomas Privé. Oui. Ce garçon que personne ne connaissait, il était avec une voiture qui était beaucoup moins puissante que les autres, il a été champion de France sur terre, il a grillé la priorité à tous les cadors. Eh bien, c'est ce que moi j'aimerais voir, parce que c'est comme ça que ça se passe dans le monde du rallye. Des fois, on fait des têtes d'affiche de certaines stars, et de quoi arrive, mais qui c'est ce pilote, d'où il sort? Ben oui, vous l'avez jamais vu, mais il était là. Hein. Il a toujours été là, mais il n'avait pas les mêmes armes que les autres pour pouvoir se battre. Ouais, ben je sais pas si, donc on est, il ne va être une dizaine, donc voilà, il faut négliger personne aussi, mais vivement la première course, vivement les premiers essais pour se mettre un peu dans l'auto, ça sera cette semaine. Et t'as une voiture de combien, 200 chevaux là, cette fois? Voilà, c'est ça, 230 chevaux, 50 mètres kilos de coupe, donc c'est une des voitures les plus performantes que j'ai roulées. Ça va être entre la Clio 3 que j'ai roulée au rallye du Var et la R5, ça va être entre les deux, mais une de roues motrices, donc il y a moteur turbo, c'est la première fois que je roulerai avec une traction avec un moteur turbo, donc il y a pas mal de choses à apprendre, et donc voilà, il y aura des choses à apprendre à ce rallye du Touquet pour être performant rapidement. Ouais, et surtout que Renault, on les connaît au niveau du châssis, c'est pratiquement les meilleurs au monde pour le réglage des châssis. Alors, au niveau de la route, hein. Ce qui est bien au sein du trophée Renault, c'est qu'il y a l'équipe technique qui est présente, il y a le camion de pièces détachées, donc il y a vraiment un suivi technique de la marque, ce qui permet de progresser plus rapidement, d'avoir les bonnes informations, de pouvoir discuter avec les ingénieurs pour pouvoir progresser. Ils sont là pour tous les pilotes de la coupe, donc c'est vraiment super intéressant. Flo, on peut rappeler les dates du championnat de France, parce qu'il y a des gens qui vont nous on va te suivre, mais eux aussi vont vouloir te suivre. Mais alors moi je participerai à 6 manches, donc ça sera le rallye du Touquet qui sera dans 15 jours. Après dans deux mois on aura le rallye d'Antibes. Ensuite, on ira au mois de juillet au rallye du Rouergue, au rallye de septembre, au rallye du Mont-Blanc, après Cœur de France, et pour finir, le fameux rallye du Var, le plus proche de la maison. Est-ce qu'il y a des choses à dire, sur toi surtout, parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place là, Je vous invite tous jeudi à 19h à la cave coopérative de Sérignan-du-Comtat, toute l'équipe et les auditeurs, pour la présentation de la voiture. Il y aura la voiture, il y aura tout le descriptif complet de notre saison. Et retourne dans la tête, parce que moi j'ai besoin de la savoir. Le jeudi 9 à 19h à la cave coopérative de Sérignan-du-Comtat. On part pour le Touquet dans combien de jours avant, 4 jours? Je vais partir ce week-end en reconnaissance, et ensuite, à partir du mercredi prochain, je repartirai dans le Nord. Je vais faire des allers-retours dans le Nord-Pas-de-Calais. On brûle d'impatience de te voir à nouveau te battre pour un titre, et on espère que cette fois-ci, allez, on croise les doigts, c'est toi qui as entre tes mains ton ouais. destin, parce qu'on connaît ta qualité de pilote. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. L'émission touche à sa fin. Vous retrouverez cette émission demain soir à partir de 20h. Vous pouvez nous l'écouter. Et on va retrouver le podcast rapidement. Ah non, pas rapidement. Il faut attendre maintenant. D'accord, merci. Bye bye, à très bientôt. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ce programme sportif vous a été offert par le groupe Béduci, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente dans la région. Plus d'infos, www.beduci.fr.